Après cette rencontre, les parlementaires de Vaud se déplacent vers le terrain pour voir si les terrains sont bien. Ils vont aussi visiter les hôtels pour voir si ces hôtels ont la capacité vraiment d'accueillir le nombre de parlementaires qui vont participer à cette 9e compétition des Jeux interparlementaires de la communauté est-africaine. Au niveau du Parlement du Burundi, on avait proposé que ces Jeux interparlementaires d'Oléala se passent au chef-lieu de la province d'Ngozi, comme ils ont justifié que si on regarde les terrains qui se trouvent à Ngozi, les hôtels, que toutes les conditions sont vraiment suffisantes pour la province d'Ngozi pour que cette province accueille cette 9e compétition d'Oléala. Comme c'était une proposition, on va échanger sur certains parmi les délégués. On va échanger pour voir si on peut décider que cette compétition se passe à Ngozi ou à Bujumbura. Mais quand même, n'oubliez pas que ça sera de différentes disciplines. Il sera aussi possible que certains matchs se déroulent à Ngozi et d'autres se déroulent à Bujumbura. On écoutait Alexis Badian de Himbaze, il est porte-parole de la Chambre basse du Parlement burundais. Page sécurité, l'administrateur de la commune urbaine de Mukaza tranquillise la population de Kilili qu'il n'y a pas de distribution de badges de résidence qui se fait dans cette localité. L'administrateur Désiré Mazimaka appelle quiconque aurait ce projet de l'arrêter immédiatement, selon l'octroi d'un tel document émane. Selon lui, l'octroi d'un tel document émane du ministère de tutelle. On l'écoute. Je viens de l'apprendre de votre propre bouche pour me dire qu'il y a des badges de résidence. Je ne sais pas c'est lui qui a instauré ces cartes. Parce que tout document administratif, il y a un accompagnement d'une décision du ministre de tutelle. On ne peut pas se donner le droit d'établir des documents. Alors, je peux décourager celui qui a pensé sur cette carte d'arrêter immédiatement. Alors, pour ce, je pense que ce sont des remèdes. Mais si c'est la réalité, je dis qu'à cette personne d'arrêter immédiatement la fabrication de ces cartes. Cette réaction de l'administrateur de Mukaza intervient après les lamentations de certains citadins de Kilili, comme quoi ils sont exigés d'avoir des badges de résidence et qui coûteraient 10 000 francs burundais la pièce. 156 jeunes gens, dont 15 filles, de la province Karoussi ont fait ce mardi le test intellectuel leur donnant accès d'entrée à la police catégorie des agents. Parmi ces jeunes se trouvent 15 filles, dont une de l'ethnie batois, et faisant au total 4 batois, comme l'indiquent les officiers responsables de cette activité dans cette province. Ceux-ci déplorent que leur confrère moutois n'ait pas eu la chance de faire ce test. Celui-ci s'est présenté ce matin avec un bulletin original attestant son niveau d'études pour remplacer la photocopie qu'il avait mise dans son dossier, comme le dit ce jeune, mais il a été refusé, expliquant que les délais de réclamation ont pris fin. Rapatriement volontaire de 728 réfugiés burundais le matin de ce mardi. Ces rapatriés volontaires proviennent des camps de réfugiés d'Onduta et Mtendeli en Tanzanie. Ils sont constitués de 258 familles, dont 398 hommes et 330 femmes, respectivement originaires des provinces de Ruigi, Changuzo et Karoussi. La province Ruigi vient en première position avec 718 personnes, 8 rapatriés de la province Changuzo ainsi que 2 originaires de la province Karoussi. C'est une affirmation du porte-parole du ministère de la Sécurité publique et de la gestion des catastrophes, Pierre Nkurikiye. Radio Isanganiro, chronique santé. Dans la chronique santé de ce mardi, l'on vous parle d'une maladie qui affecte les yeux appelée trachome du groupe des maladies tropicales. Le docteur Victor Wuchumi, directeur du programme national intégré de lutte contre ces maladies, fait savoir que si le trachome n'est pas traité à temps, il peut aboutir à la cécité. Cette maladie touche beaucoup plus les enfants de moins de 10 ans. Les détails dans cette chronique santé préparée et présentée par Francine Ndihokugayo. Le trachome est une maladie classée dans la catégorie des maladies tropicales négligées. Le directeur du programme national intégré de lutte contre ces maladies, le docteur Victor Wuchumi, parle d'une maladie infectieuse ancienne mais peu connue. Le trachome, c'est une kératoconjonctivite d'évolution chronique caractérisée par la présence de follicules sur la paupière tarsienne, surtout la paupière supérieure des yeux.